Non, Léon Nikolaïevitch, tu ne t'en iras pas ainsi. Cette soirée a été organisée en ton honneur, n'est-ce pas? Alors, il faut rester et sourire, même si tu as envie de pleurer, voilà. C'est bien, général, je reste. À la bonne heure. Et je tâcherai de sourire. Mais cette maudite soirée finie, je m'en irai. Je ne remettrai plus les pieds chez vous. Mais tu dis des bêtises, prince. Tu reviendras, comme par le passé, dans cette maison qui te reste ouverte, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi supposer le pis, d'ailleurs? Il se peut bien que tout s'arrange. Aglaé s'amuse avec Eugène Pavlovitch, mais elle se mariera avec toi. Et maintenant, pour te distraire, je vais te présenter à ce noble vieillard, Ivan Petrovitch Bulganin. C'est un homme très important. Et c'est un parent de ton bienfaiteur, Nicolas Pavlitchev. Viens, viens, prince, viens. Ivan Petrovitch, une minute, s'il vous plaît. Voici le prince Léon Nikolaïevitch Mishkin, pupille de Nicolas Pavlitchev. Il meurt d'envie de vous connaître. Ah, vraiment? D'habitude, les jeunes gens fuient les vieillards. En quoi je leur donne raison, d'ailleurs? La vieillesse n'a rien de plaisant en soi. Ainsi, vous êtes le prince Mishkin, pupille de Monsieur Nicolas Pavlitchev. Mon Dieu, vous n'avez guère changé. Je vous ai vu lorsque vous aviez environ 10 ans, pas plus. Vous habitiez alors chez mes cousines, à Zlatoverkovo. J'allais souvent à Zlatoverkovo. Vous ne vous souvenez pas de moi? Ah non, non, non, je ne me souviens pas de vous. Mais vos cousines se sont montrées très bonnes avec moi. Vous croyez? Ce n'est pas mon avis. Je me suis disputé avec ces deux vieilles filles à propos de votre éducation. J'étais indigné de voir qu'elles vous donnaient des verres, j'avoue, un enfant malade. Excusez-moi de vous contredire, monsieur. Ces deux femmes m'ont élevé avec beaucoup de dévouement. Il est vrai qu'elles me donnaient des verres de temps à autre. Mettez-vous à leur place. Qui n'aurait perdu patience avec l'idiot que j'étais alors? Mais, dites-moi, est-il vrai que vous êtes un parent de Monsieur Pavlitchev? Je le suis. Pourquoi cet étonnement? Oh, si je vous le demande, c'est parce que feu Monsieur Pavlitchev était un homme très bon, très généreux. Je vous en donne ma parole. C'est fort bien, je vous crois. Mais pourquoi diable ne pourrais-je pas être le parent d'un homme bon et généreux? Pardonnez-moi, je viens encore de dire une sottise. Cela devait arriver. Je suis si ému lorsque j'évoque la figure de mon bienfaiteur. Vous avez raison de dire que c'était un homme excellent. Un homme d'une grande considération. Car tout en me déroutant par son côté, comment dirais-je, utopiste... De qui parlez-vous avec tant de circonspection, monsieur Bulganin? De monsieur Pavlitchev, le bienfaiteur du prince Mishkin, ici présent, cher comte. Pavlitchev? Mais s'agirait-il de ce Pavlitchev qui avait eu une histoire bizarre avec l'abbé, voyant l'abbé... Oh, j'ai oublié le nom de cet abbé. Enfin, mais tout le monde en parlait à cette époque. Avec l'abbé Gouraud, comte. N'est-ce pas navrant? Quand je songe que M. Pavlitchev, qui était un homme bien né, un chambellan qui possédait une véritable fortune, s'était mis en tête de devenir catholique. Oh, et bramantons. Comment? Mais ce n'est pas possible. Mon bienfaiteur Pavlitchev s'était converti au catholicisme. Oh non, non, non, je ne peux pas le croire. Mais pourquoi cela vous chagrine-t-il? Je ne sais pas exactement, je ne nourris aucune hostilité à l'égard des catholiques lorsqu'ils sont français, italiens ou allemands. Mais voir un russe se convertir au catholicisme, cela me heurte, me blesse. Un russe ne peut être qu'orthodoxe. Ce n'est encore rien. Après tout, M. Pavlitchev était libre d'abandonner la croyance de ses aïeux, ce que je lui reprocherais. Si je peux me permettre de lui reprocher quelque chose... C'est la promesse faite à l'abbé Gouraud d'instituer l'Église catholique son légataire universel. Oh, mais je ne savais pas cela. Quelle imprudence de la part de M. Pavlitchev. Vous l'avez dit, comte. J'ai dû recourir aux mesures les plus énergiques pour remettre à sa place l'abbé Gouraud. Heureusement que l'affaire s'est passée à Moscou. Je me suis rendu chez le gouverneur général, le comte Zakrevski, et... Et l'héritage de M. Pavlitchev est retombé dans les mains du prince Mishkin. En somme, vous avez joué sans le vouloir un bon tour à l'Église catholique. Vous ne pouvez pas croire à quel point vous m'attristez en me révélant que M. Pavlitchev était devenu catholique. Quant à l'héritage, je me demande si je ne dois pas le restituer à l'Église catholique, vu que M. Pavlitchev avait promis à l'abbé Gouraud... De... Restituer l'héritage que vous avez reçu à l'Église catholique? Mais vous êtes fou, prince. Non, monsieur Bulganin, le prince n'est pas fou. Il est seulement innocent. Fou ou innocent, il n'a pas à soutenir l'Église catholique avec l'argent des orthodoxes. Car l'argent qu'il a reçu en héritage de M. Pavlitchev a été bel et bien gagné par des serfs russes, donc orthodoxes. Vous ne me comprenez pas, M. Boulganine. Si je veux restituer l'argent de mon héritage à l'Église catholique, ce n'est pas parce que je veux la soutenir, non, mais parce que je ne veux rien lui devoir. Oh mon Dieu, M. Pavlitchev était un esprit clairvoyant, un vrai chrétien. Comment a-t-il pu embrasser une religion qui n'a rien de chrétien? Oh là, vous vous égarez, prince. Prétendez-vous sérieusement que le catholicisme n'est pas une religion chrétienne? Oui, je le prétends. Et j'ajoute que le catholicisme est pire que l'athéisme. Bon, comment cela, cher prince? Vous jouez sur les mots. Point compte. L'athéisme ne prône que le néant, alors que le catholicisme se prévaut d'un Christ défiguré qui... Oh, décidément, vous êtes aveuglé par votre haine du catholicisme, prince. L'Église catholique a fait vertu, croyez-moi. Lesquelles, je vous prie, comte? Ah, vous vous taisez, vous avez beau chercher, vous ne trouvez pas. Non, en vérité, le catholicisme a donné naissance au socialisme, qui tente de se substituer à lui. Car la religion catholique est incapable à présent d'étancher la soif spirituelle de l'humanité. Mais jalouse de ses prérogatives de jadis, elle essaye de retenir les fidèles par la violence. Hé, Batouchka, tu te fâches, il me semble, et tu dis des bêtises. C'est vous, princesse. Je suis content que vous soyez là. Vous, au moins, vous ne direz pas que l'Église catholique a ses vertus. Non, je ne le dirai pas, prince. Je suis orthodoxe. Mais qu'est-ce que ça peut te faire que l'Église catholique ait ou non ses mérites? Tu dois avoir d'autres soucis en tête, je suppose. As-tu oublié pourquoi tu es venu à cette soirée? Allons, calme-toi et suis-moi. Où voulez-vous me conduire, princesse? Vers ma fille Aglaé, voyons, prince. Pendant que tu discutes des églises avec ces messieurs, Aglaé fait la coquette avec son ancien prétendant, Eugène Pavlovitch. Allons, viens, te dis-je. Oh, je sais bien qu'Aglaé Ivanovna fait la coquette avec Eugène Pavlovitch, mais ce n'est pas parce que je viendrai la rejoindre que cela changera quelque chose. Aglaé Ivanovna ne m'aime pas. Mais tu es un nigaud, prince. C'est précisément parce que tu la délaisses qu'elle se montre aimable avec Eugène Pavlovitch. Oh, mais autant parler à un sourd. Tu n'entends rien aux sentiments des femmes. Aglaé veut te rendre jaloux, un prince et tout. Allez, viens, te dis-je. Nous allons séparer Aglaé et Eugène Pavlovitch. Allons, dépêche-toi, viens. Et je suivis la vieille princesse Bielokonski. Je la suivis comme un enfant corrigé suit sa nurse. Mais j'appréhendais de me trouver en présence d'Aglaé et de Jeanne Pavlovitch. Je croyais entendre le rire moqueur d'Aglaé. Mon désarroi s'en accrut. Je me souviens qu'arrivé près du piano à queue, je voulus tourner les talons et fuir. Je n'en fis rien, craignant de me donner en spectacle aux nombreux invités qui me dévisageaient sans aucune retenue. Parfois, ils échangeaient à voix basse quelques propos entre eux, mais je ne parvenais pas à saisir le sens de leurs paroles. C'était comme le bourdonnement agaçant des mouches en l'automne. Je me surpris à un moment donné, me bouchant les oreilles de mes doigts. Puis une grande lassitude m'envahit. Ma tête se fit lourde. Et ce qui devait arriver, arriva. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, René Maupré, le comte Briansky, Yvette Morek, la princesse Bielokonski, Lucien Calamand, Ivan Boulganin et Pierre Bertin, le général Yepanchin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.